aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler de Nora Kolo. Alors déjà, je veux dire que j'étais un peu intimidé par l'intitulé conférence, parce qu'au début, j'avais plutôt vu ça comme étant une manière de discuter un petit peu de cette œuvre, et puis de partager voilà, quelques points de repère, et puis quelques réflexions autour d'une œuvre qui est particulière. Donc effectivement, Nora Kolo, c'est une œuvre japonaise dont, en fait, on ne sait pas grand-chose. Si on regarde rapidement, je suis allé voir ce qu'il y a sur Wikipédia. Donc je vais vous lire la notice. Donc en 1931, Tagawa Sriho, l'auteur, commence la série Nora Kolo dans le magazine Shonen Club, publié par Kodansha. Son héros principal est un chien anthropomorphe noir et blanc actif au milieu d'une armée de chiens. Ses aventures sont très populaires dans le format tankobon. Il remporte de nombreux prix et est reconnu comme l'un des pionniers de l'industrie du manga. Et ça s'arrête là. Donc, c'est un petit peu sec, c'est vrai. C'est une série qui va paraître de 1931 à 1941. On est dans du manga véritablement vintage, voire très ancien. Donc ça, c'est l'image qui se trouvait sur l'annonce sur Facebook en particulier, qui est une image assez iconique, qui est une couverture de Shonen Club, et très rapidement, je vais m'attarder sur le titre. En fait, le titre indique, pour ceux qui parlent japonais, immédiatement le fait qu'on est dans un manga très ancien, puisque, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, il est écrit de droite à gauche. Les caractères sont en envers, ce qui est une manière dont on écrivait auparavant. En fait, le japonais peut s'écrit aujourd'hui soit horizontalement de gauche à droite, comme notre écriture, soit verticalement. Et à ce moment-là, les colonnes se succèdent de droite à gauche. Et là, avant la guerre, donc, puisque ça a été changé à partir de 1947, on avait cette particularité qui était que quand on n'avait qu'un seul caractère par ligne, on continuait quand même à écrire les colonnes de droite à gauche, quand bien même elle ne ferait qu'un caractère de hauteur, d'où cette écriture qui est désormais obsolète, qu'on retrouve encore aujourd'hui sur quelques vieux magasins du côté de Kyoto, et étonnamment sur les camionnettes de livraison à domicile, où, si vous avez déjà vu les Kuroneko Yamato, qui est assez omniprésent au Japon, en fait, le nom est écrit dans le bon sens du côté gauche de la voiture, et du côté droit, ben, elle suit l'avancée de la voiture, et donc elle est écrite à rebours. Donc c'est les seuls endroits où subsiste ce genre de choses. Mais là, sur l'ensemble de l'affiche, y compris sur la ligne en bas, en fait, Shonen Club est écrit à l'envers, ce qui ancre vraiment dans ce passage auparavant. C'est une œuvre qui est difficilement connaissable chez nous, puisque en fait elle n'a jamais été traduite. La seule traduction, c'est un chapitre entièrement en couleur qui a été publié dans la revue d'avant-garde Traverser Gott, le numéro 6, publié en 2006. C'est une revue dont anthologique qui est dirigée par Sami Arkan, qui en est à son 9e ou 10e numéro dernièrement. C'est vraiment un one-shot, donc il y a un chapitre entier qui a été traduit, revêtu. Mais sinon, c'est une œuvre qui est absolument pas disponible chez nous. Et même, pour être très honnête, elle est difficilement disponible au Japon. J'ai amené ici l'édition que j'ai chez moi. C'est une édition qui date de 1976. Ce n'est pas la dernière édition. La dernière édition date de 1984-1985. Mais il n'y a pas d'édition depuis ce temps-là. Et la plupart des éditions qu'on va pouvoir trouver chez les bouquinistes sont les rééditions de facsimilés d'une édition de 1960, des années 60. Donc c'est une œuvre qui est difficile de trouver aujourd'hui. Les seules qu'on va pouvoir trouver de Nora Kolo, qui eux datent de 2012, si je ne me trompe pas, sont trois ouvrages qui reprennent le Nora Kolo tardif, c'est-à-dire après-guerre. Je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Mais sinon, Nora Kolo, cette œuvre donc pourtant importante, est quand même assez difficile à trouver et n'a pas été rééditée depuis à peu près un peu plus de 30 ans au Japon. Je vais m'attarder un petit peu sur son auteur, qui est Tagawa Sriho, qui naît donc en 1899 Son nom, c'est Takamizawa Chutaro. Et il y a une particularité, c'est que c'est quelqu'un qui va grandir en étant quasiment orphelin, puisque sa mère meurt peu de temps après sa naissance. Son père se remarie, et lui va donc être envoyé chez son oncle, puisque son père ne va plus l'avoir. Et c'est son oncle qui va s'occuper de son éducation. Et ce, jusqu'en 1910, donc il a 11 ans. Et à ce moment-là, quelques mois d'intervalle, son père et son oncle vont tous les deux décéder. Lui termine donc ce qui correspond au système primaire. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique, en France, c'est le système primaire avant de rentrer dans le système secondaire, donc à 12 ans. Et à 12 ans, il va se retrouver obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Donc il va travailler, avoir des petits boulots dans l'équivalent d'un drugstore, dans une mercerie. Et ce, jusqu'à ce qu'il atteigne 20 ans. Et au moment où il a 20 ans, comme c'est de coutume à l'époque, il est appelé à faire son service militaire. Alors pour vraiment, je pense que c'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé au niveau de la société. À l'époque, dans l'armée impériale japonaise, le service militaire durait 3 ans et était suivi par 2 années de réserve active et 2 années de réserve réserviste. Donc en gros, on était lié à l'armée pendant 3 ans de manière active en étant sous les drapeaux et ensuite pendant 4 ans encore. Donc on était dans un contexte où faire l'armée, c'était normal pour tout le monde et ça représentait quelque chose d'assez important. Je le rappelais parce que, je sais, en France, la conscription n'existe plus. Donc on a un rapport à ces choses-là qui est lié à notre contexte particulier. Il faut vraiment se remettre dans ce contexte-là. Une fois qu'il sort, qu'il termine l'armée, il va étudier le design à l'université des beaux-arts, enfin, à l'école des beaux-arts du Japon, la Nihon Bijutsu Gakko. À partir de quand il en sort en 1925, il se pose la question de ce qu'il veut faire de sa vie. Il aimerait bien être romancier, sauf qu'il y a beaucoup de concurrence, et il va finir par se rabattre sur auteur de Rakugo. Alors, le Rakugo, c'est un art un peu spécial japonais. En gros, le parallèle le plus proche, ce serait le stand-up un peu à l'américaine. Alors, sauf que bien sûr, ils sont assis. Donc, c'est pas vraiment du stand-up, logiquement. Mais c'est donc un personnage qui est assis et qui va raconter une histoire dans laquelle il y a tout un tas de jeux de mots, d'allusions un petit peu rigolotes et souvent une chute extrêmement pleine d'esprit, etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez, pas archaïque, mais assez suranné pour les Japonais d'aujourd'hui. Souvent, quand on voit des spectacles de Rakugo, la moyenne d'âge tant de la personne qui est sur scène que les personnes qui sont dans la salle est entre 70 et 80 ans. Donc c'est pas vraiment un truc de jeune aujourd'hui, mais toujours est-il que c'est là-dedans que Tagawa Sugio va faire ses premières classes, et c'est à ce moment-là que il va commencer à changer son nom. Donc il s'appelait Takamizawa Chutaro. Il va déjà commencer à changer son nom, et c'est au moment où il va commencer à faire du manga à partir de 1927 qu'il va prendre son nom Tagawa Sugio. Alors, Tagawa, c'est un petit peu un jeu de mots sur le premier pseudonyme qu'il va prendre, qui est Takamizu. Donc, Takamizawa, on est dans la proximité. Takamizu, c'est les hautes eaux. Tagawa, c'est la rivière au milieu de la rizière. Donc, on reste sur des choses comme ça. Et Suiho, c'est une bulle d'eau de l'écume. Donc, on est sur un nom qui se veut lui-même un petit peu ironique, un petit peu parodique. Je suis juste la bulle d'eau dans la rivière au milieu de la rizière. Il commence à faire du manga en 1927 et avec il fait partie des pionniers. Hein, le manga n'est pas encore complètement établi, a pas du tout la même ampleur qu'il a. En 1929, il écrit un récit qui s'appelle Jinzo Ningen, ce qui veut dire le cyborg, c'est le mot utilisé pour cyborg aujourd'hui, qui est considéré comme le tout premier manga à avoir un personnage robot. Et surtout, tout va commencer en 1931 lorsqu'il commence Norakuro. Je ne sais pas si je vais y aller, on revient après. Qui est une série pour laquelle, au début, il n'y a pas l'idée d'en faire quelque chose de très conséquent. L'idée, il veut commencer à en faire peut-être une année. Et il va être surpris par le succès que va remporter la série. Il a fait quelques œuvres auparavant qui sont un petit peu de la même manière avec des animaux anthropomorphes. J'en ai deux exemples ici. En fait, ce sont les deux seuls exemples qu'il y a qui va commencer, qui fait au moment où il fait Naorakoro, il va faire d'autres choses pour avoir une sorte de plan B. Donc il y a Tako no Yachan, qui est l'histoire d'un poulpe. On pourrait la regarder ensuite. Et ici, un livre qui utilise un lapin noir, dont je suis là, je n'ai plus la lecture du titre en tête, mais voilà, ce sont les seuls exemples, de choses qu'il va faire. Ensuite, il va être complètement emporté par Dolakulo, qui va devenir quasiment la seule œuvre qu'il va porter par la suite. Juste pour la petite histoire, en 1934, il va prendre sous son aile une jeune mangaka qui a 16 ans à l'époque, qui a envie de faire du manga, qui s'appelle Hasegawa Machiko, qui va devenir quelqu'un d'extrêmement important, puisque c'est l'auteur, l'autrice, qui va faire une série qui s'appelle Sazae-san, que vous connaissez peut-être. Sazae-san, ça commence après-guerre, je crois que c'est 1948. C'est l'histoire d'une famille japonaise, tout ce qu'il y a de plus standard, et c'est devenu une sorte d'incarnation de l'esprit japonais. C'est une série qui a été très rapidement animée, qui continue d'être diffusée aujourd'hui. Donc ça en fait la série animée la plus longue au monde, je ne sais pas combien de milliers d'épisodes il y a. Et c'est une série qui est à la fois typiquement japonaise, qui retrace toutes les évolutions de la société japonaise, et qui également a cette particularité d'exister dans le présent, puisqu'en fait, à Sekawa Machiko, c'est toujours opposé à ce qu'on sorte des DVD, ou alors des cassettes auparavant. Donc la série n'a jamais, la NHK, puisque ça passe, je crois, sur les chaînes de la NHK, a respecté son souhait. Donc il n'existe pas d'enregistrement de DVD, vous ne pouvez pas regarder la série Sazae-san, mais elle continue d'être diffusée. Donc c'est quelque chose d'assez important, et ce n'est pas le seul auteur fondamental qui va être influencé par Tagawa Suyo. Donc c'est déjà une raison de s'intéresser à Dolakulo. Dolakulo, justement, qu'est-ce que c'est? Alors, comme le disait le résumé extrêmement succinct de Wikipédia, Dolakulo est un chien noir. En fait, il s'appelle Nora, et le Kuro, ça veut dire noir en japonais. Au bout d'un moment, ça devient son surnom. C'est un chien noir qui est engagé dans une brigade qui s'appelle la Moken Rentai, la brigade des chiens féroces, dans laquelle il n'y a que des chiens blancs qui sont pour la plupart des bulldogs. Et lui est un chien, un bâtard, un chien sans race. Et lui n'est pas un chien féroce du tout. Au contraire, c'est un chien qu'on en voit un petit peu sur cette planche-là que je vous propose de découvrir, qui est plutôt gaffeur, qui s'en tire toujours un petit peu, qui s'en tire toujours bien. On le voit alors, les planches sont présentées dans le sens japonais, donc il faut lire d'abord la planche qui se trouve à droite avant de lire celle qui est à gauche. Donc, on voit qu'il descend une route de montagne avec un camion, il rate un virage, le camion tombe dans le ravin, et lui, par chance, voit passer un oiseau, lui demande s'il peut l'aider. Il est très content parce que finalement l'oiseau le sauve et l'amène à bonne porte. Donc Dolakulo est très loin d'être le soldat modèle de l'armée impériale japonaise. C'est donc quelqu'un qui est plutôt maladroit, qui est parfois pas particulièrement courageux et qui est plutôt du genre à faire des gaffes. Un autre exemple ici avec ces deux planches où voilà, il dit, ah, j'ai une super idée pour aller espionner les autres, je vais éviter cette souche et puis comme ça, incognito, je me déplace. Et on voit comment ça se termine sur la dernière case avec l'un des commandants qui monte sur la chose et qui lui se retrouve donc bien embêté puisque il se retrouve dans une situation qui était inattendue. Donc ça fonctionne beaucoup sur ce genre de choses. On est très très loin donc, de cette idée de soldat idéal. Je reviendrai dessus ensuite. Si vous connaissez un petit peu l'histoire du manga, vous connaissez sans doute cette œuvre-ci. C'est Shin Takarajima de La Nouvelle Idée au Trésor de Samu Tezuka qui paraît en 1947 et qui est considéré comme étant l'acte de naissance du manga moderne. La grosse innovation de Tezuka qu'on voit ici dans les premières planches qui ouvrent donc ce récit. Ça, c'est la version de 47. Vous connaissez peut-être d'autres types d'enchaînements qui sont dans la version qui a été révisée en 1984, qui détaille encore plus et qui pousse encore plus ces choses-là. C'est que Tezuka va intégrer au manga des techniques de narration qu'il emprunte au cinéma. C'est-à-dire qu'on a des effets de changement de plan, on a un gros plan qui se trouve au milieu de la page de gauche au centre, il va y avoir des décompositions. Ça, ce sont des choses qu'apporte Tezuka. Si je reviens sur la planche de Norakuro, vous voyez une narration qui est typique du manga d'avant-guerre, c'est-à-dire une narration dans laquelle on est un petit peu au théâtre. On a une distance par rapport au personnage qui reste toujours la même. Le sol est toujours figuré au même endroit, un petit peu comme si on voyait la scène, et si vous regardez, les personnages ont toujours la même taille. Le seul endroit où on ne respecte pas, en gros, ces conventions, c'est la case qui est en haut de la planche de gauche, où on a une sorte d'effet de perspective, mais si vous regardez bien, l'endroit où se trouve Norakuro, donc dans la souche, et finalement respecte toujours la même distance. Ça se retrouve même lorsque on a des scènes dans lesquelles il y a des déplacements qui sont différents. Si vous voyez les planches, donc j'aime beaucoup cette double planche parce qu'elle illustre bien. On joue un petit peu avec. Vous avez la troisième case verticale, donc de la case qui est la plus à gauche de la planche de droite, où on voit que on s'est affranchi de la position du sol. Mais dans les premières, le sol reste à nouveau toujours à la même hauteur, à la même distance du bas de la case qu'on l'a vu auparavant. Et Norakuro fait la même taille. On voit aussi une petite astuce entre la case du haut avec l'avion et celle du bas, puisqu'on ne figure pas le sol, et il y a un effet, mais on reste quand même beaucoup dans cette approche dans laquelle on est à la même distance aussi. C'est la même chose lorsqu'on veut avoir des vues d'ensemble. C'est la case envahit la page pour avoir la vue d'ensemble, et en gros la vue va être limitée à la taille de ce qu'on peut embrasser, mais on reste toujours dans cette approche qui est très une approche de pièce de théâtre où on a le sol toujours à la même distance, les personnages toujours à la même taille. Un dernier exemple, là, avec des scènes qui sont grandes. J'aime beaucoup cette planche parce que justement elle montre que même avec ces contraintes-là, qui sont finalement d'avoir une mise en scène qui reste très limitée dans les outils, ça n'empêche pas Tagawa d'introduire une vraie modernité, notamment dans l'enchaînement des deux cases du haut, où on a d'une part la continuité de décor, mais également la continuité d'action avec Norakuro qui jante, alors je crois que c'est un rocher, sur la tête de son compagnon un peu plus bas, et il y a donc cette liaison entre les deux cases. Et ça, c'est une chose qui est présente aussi, qu'il faut souligner dans cette œuvre-là, notamment dans les éditions qui sont les éditions en couleur. Alors, on en parlait un petit peu avec Erwin juste avant de commencer. Il y a des éditions qui sont en couleur, qui sont de très bonne qualité. Vous pourrez regarder ensuite, par exemple, celui-ci est en couleur, un petit bouquin en couleur qui a une qualité assez bonne. L'édition que j'ai ici, malheureusement, est en bichromie rouge et on perd beaucoup de la qualité de ces éditions. Mais ce type de modernité, on le retrouve aussi, alors d'une part dans le design des livres. Ça, c'est une édition de 1969 qui est un facsimilé des éditions des années 30. Donc toutes les éditions des années 30, il y a 10 volumes, sont présentées comme ça, dans un fourreau, avec une approche qui est souvent très graphique, et avec une couverture sur laquelle on a Norakuro en très grand. L'image que je prie comme leitmotiv sur la gauche de la présentation, et aussi est une couverture de volume. Et notamment, voilà le genre de choses qu'on trouve, ça c'est la couverture du troisième volume, je crois, que je trouve extrêmement belle et extrêmement moderne, à la fois dans le traitement de la couleur, dans le côté abstraction, dans la manière dont on arrive à quelque chose de très très simple, très épuré. Ça se retrouve aussi à l'intérieur avec des planches qui sont assez étonnantes. Donc là, une double planche dans laquelle ils sont chargés de construire un camp. Et voilà la tête que ça prend. Donc on a à la fois le côté absurde. Donc ça illustre encore la manière dont Norakuro traite ou maltraite la chose militaire. Mais avec une double planche qui est assez fascinante. Il y en a d'autres en écho, comme celle-ci, avec la lessive, que je trouve absolument étonnante et extrêmement moderne dans l'approche et dans l'occupation de la planche. Quand même, c'est assez courageux, je trouve, d'aborder une double planche comme ça et de décider, OK, on va faire ça, on va essayer. et encore toujours dans cette narration de l'époque, avec des personnages qui font toujours la même taille. Un dernier exemple que je trouve absolument fabuleux de cette modernité, c'est le traitement de cette scène de guerre avec la couleur, où là on a vraiment à nouveau une approche théâtrale, hein, on voit très bien les deux plans, les trois plans, comme s'il y avait des décors qui étaient mis. Ce traitement en ombre chinoise, il y a vraiment des planches qui sont assez fabuleuses dans Nolakupo. Et pour revenir à la seule édition occidentale qu'on a finalement dans le passage de Nolakupo, qui est dans Kramer's Ergot, c'est aussi pour ça que Sami Arkam a décidé de le mettre dedans. Et d'ailleurs, les planches dans un grand format sont extrêmement belles. Je vous encourage vraiment à aller jeter un œil à ce chapitre dans la revue. Alors, puisqu'on parle de guerre, c'est l'une des raisons aussi pour laquelle il est intéressant de se pencher sur Nolakupo. Donc, comme je disais, Nolakupo commence à être publié en 1931 dans les pages de Shonen Club. C'est un magazine mensuel pour les garçons qui est publié par Kodansha. C'est un magazine dans lequel Nolakupo va être le premier manga publié. Jusque-là, c'est un magazine comme on a pu avoir pour les magazines à la destination de la jeunesse de l'époque. Il y a du rédactionnel, des histoires, des trucs, des choses, des activités à faire. Et Nolakupo va être le premier manga publié dans ce magazine. Et donc, un manga avec une certaine saveur guerrière, mais en même temps, comme je vous le rappelais, avec cette histoire de service militaire, la guerre faisait quand même partie à l'époque beaucoup de la vie de tous. Elle va le faire d'autant plus que, en 1937, le Japon rentre dans la guerre sino-japonaise, donc une guerre avec la Chine. C'est une guerre qui sourde depuis très longtemps, puisque en 1931, il y a le massacre de Nankin, les incidents de l'époque. Donc les relations avec la Chine sont particulièrement tendues. 1937, c'est le début de la guerre sino-japonaise. Qui va basculer et devenir la guerre du Pacifique, donc la seconde guerre, le pan pacifique de la Seconde Guerre mondiale par la suite. D'ailleurs, la raison pour laquelle le Japon attaque les États-Unis en 1941 à Pearl Harbor est liée à la guerre sino-japonaise. C'est-à-dire, les Japonais sont enlisés dans cette guerre avec la Chine, ils ont des problèmes d'approvisionnement en pétrole, les États-Unis font de l'embargo sur les imports, les exportations de pétrole à destination du Japon. Le Japon veut forcer la main aux États-Unis et décide, pour ça, de faire un coup militaire et de bombarder à Pearl Harbor en 1941. Et ce qui va précipiter, ça va bien sûr avoir l'effet inverse, hein, plutôt que de céder, les Américains vont répondre. Et c'est ça qui va déclencher l'ouverture du front. Mais dès 1937, le Japon est très présent, commence la guerre sino-japonaise, et ça va marquer un changement assez net dans Nolakupo. Alors, ce qui se passe, c'est que Nolakupo paraît dans Shonen Club. Et je disais, il y a 10 recueils de Nolakupo sur la période 1931-1941. Sur ces 10 recueils, il y en a 7 qui correspondent à ce qui est vraiment publié dans Shonen Club, c'est d'ailleurs l'édition que j'ai. Et il y a 3 volumes qui correspondent à une réinterprétation partisane des événements qui se passent depuis les événements Nankin en 1931, qui ne seront pas publiés dans Shonen Club, mais qui existent aussi en volume relié, dans lesquels, au lieu de se battre contre les grenouilles, les singes et les kappas, qui sont les adversaires des chiens de Nolakupo, on va se battre contre des cochons qui sont clairement des caricatures des Chinois. Donc, dans ces volumes-là, on a une tonalité nettement plus militaire, comme on voit ici avec des opérations qui sont beaucoup plus détaillées. Et également, une chose que je voudrais attirer votre attention sur la carte qui se trouve ici dans le quartier général des Chiens, qui est en fait la reprise de la carte des zones occupées par les Japonais à l'époque. Vous avez la Corée et Taïwan qui sont en orange, qu'on retrouve exactement en bas avec un petit bout de l'archipel japonais, et en rose le Manchukuo qui est justement depuis les années 1930 l'état fantoche qui a été mis en place par le Japon. le Japon en ce moment-là est en pleine montée impérialiste et a comme, comme objectif d'établir juste que je retrouve le nom, une sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale. Donc en gros, le Japon qui a émergé à partir des années 20 comme étant le pouvoir fort, le pays fort de la zone, veut créer une zone qui, un petit peu comme les États-Unis, une zone d'influence, et le fait de manière assez, assez forte, et décide de très rapidement de s'appuyer à la fois sur les choses qu'ils ont accès, puis ces états fantoches pour valider un petit peu leur position. Donc il y a une forme d'auto-légitimation qui se met en place. Et on voit comment Norakuro reprend donc ce qui est la ligne officielle du parti, si je puis dire. Une des choses aussi qui est intéressante, là, donc là c'est une des planches qui est prise toujours de ces volumes qui traitent de la guerre contre les cochons, donc contre les Chinois. Elle est intéressante à plus d'un titre. Bon, d'une part, ça montre un petit peu la violence qui peut s'y trouver. Hein. Vous avez dans les deux dernières cases quand même un personnage qui s'est coupé en deux. Alors c'est une violence cartoon. On voit bien que le personnage qui a été coupé en deux continue quand même de bouger et d'agir. Hein, les gens sont debout. Et on a une décapitation. Alors je m'attardais sur la décapitation parce qu'elle elle peut faire référence à un moment assez connu du massacre de Nankin, qui avait été reporté en 1937. Donc durant la guerre, enfin c'est pas le massacre de Nankin, mais c'est la guerre sino-japonaise, donc le 13 décembre 1937. Il y a deux officiers japonais qui auraient fait un concours pour savoir qui décapiterait le plus de Chinois. Et le journal, le Tokyo Nichi Shimbun, du 13 décembre 1937, évoque ce concours. Avec un titre, alors je l'ai en anglais puisqu'il avait été publié dans le Japan Advertiser qui était une publication pour les Américains, donc c'est Incredible Record, Behead 100 People, Mukai 106, bon, je le fais en français, donc record incroyable dans la compétition de décapitation de 100 personnes, Mukai 106, Noda 105, les deux lieutenants vont jouer les prolongations. C'est un journal japonais qui met ça en titre et gros titre, donc je vous dis ambiance. Donc voilà, cette référence-là à la décapitation, elle prend une saveur un petit peu particulière quand on connaît ça. Donc Norakuro, je le rappelle, est paru entre 1931 et 1941. Alors 1931, symboliquement, c'est le massacre de Nankin. 1941, Pearl Harbor. À partir de 1940, le gouvernement japonais va mettre en place la nouvelle association nationale des mangaka, Shin Nippon Mangaka Kyokai, qui a une adhésion obligatoire et qui est en fait un organe de surveillance et de censure des mangaka. Norakuro, donc, qui, comme je disais, a été, à partir de 1937, très rapidement utilisé comme étant un outil de propagande, parce qu'il est extrêmement populaire, donc tout de suite on se dit, ben voilà, on va s'appuyer dessus. À partir de 1940, commence un petit peu à déranger. Déranger pour deux raisons. D'une part, parce que dans le livre, Norakuro, en 1940, prend sa retraite et n'est plus dans l'armée active, mais se retrouve administrateur d'entreprises d'exploitation des ressources naturelles du Manchukuo. Alors, il reste toujours dans l'effort de guerre, mais un petit peu différemment. Et puis, comme je vous le rappelais au début, Norakuro est loin d'être le soldat idéal. Il n'est pas très courageux, il est plutôt gaffeur, il est plutôt flemmard, et ça énerve. Et d'ailleurs, il y a un un officiel japonais qui va dire qu'il ne peut plus. Il est inacceptable que l'on continue de publier des ramassis d'âneries comme ce manga en temps de guerre, et que même si officiellement la raison pour laquelle on va annuler et mettre fin à Norakuro, c'est une question d'économie de papier, c'est clairement l'aspect d'effort de guerre et de propagande qui va mettre un terme à Norakuro. Donc, pendant un moment, il a été le vecteur de cette propagande, jusqu'au moment où le fond du message pose un problème, on décide de l'arrêter. Alors, je parle beaucoup de Norakuro, c'est pas le seul manga qui va être le support de propagande. Il y en a un autre, par exemple, qui est l'histoire de Fuku-chan, qui est un strip de Yokoyama Ryuichi, qui paraît dans les pages du quotidien Asahi à partir de 1936, et qui lui aussi va faire partie de l'effort de guerre, va faire de la propagande. Très rapidement, la teneur du manga va aller, bon, c'est l'histoire d'un petit garçon et son petit frère. Très rapidement, on met en avant les valeurs de résilience et d'inventivité des Japonais, même dans l'effort de guerre. À un moment, ils voient une lanterne qui est cassée et ils vont la transformer et l'utiliser comme masque à gaz. Donc, faire un jouet masque à gaz, mais ça montre, c'est le genre d'utilisation qu'on met en avant. Et durant 3 mois, même en 1942, Fuku-chan va devenir une sorte de journaliste, puisque Yokoyama, à ce moment-là, est envoyé à Java, où sont stationnées les troupes, pour les encourager, comme ça se fera aussi avec les stars d'Hollywood pour les Américains. Hein, donc c'est exactement la même chose. Et donc, Yokoyama, étant à Java, va utiliser son personnage pour faire une sorte de reportage sur place avec les troupes au front. Alors, au-delà de ces éléments-là, il y a une autre raison pour laquelle on peut s'intéresser à Norakuro, c'est son importance historique. Donc, je parlais de l'influence sur Asagawa Machiko. J'ai évoqué aussi l'importance de Tezuka. Ça, c'est l'affiche, c'est même la couverture du catalogue de l'exposition de la rétrospective qui se tenait en Angoulême. Avec un sous-titre qui était Manga no Kamisama, ce qui veut dire le dieu du manga. En passage, je tiens à rappeler que le Japon est un pays polythéiste et que donc le dieu du manga n'a pas forcément la même importance qu'elle peut avoir dans nos cultures basées sur du monothéisme. Donc, c'est pas contrairement à la manière dont ça a pu être interprété, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est plus la manière dont je préfère le présenter, c'est plus une sorte de saint patron. Quelqu'un qui accompagne le manga, mais qui n'est pas celui qui a tout mis en place. Même si beaucoup dans l'approche de l'histoire du manga, notamment en France, on a souvent réduit tout à Tezuka, il a tout inventé, on peut dire, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, Tezuka lui-même reconnaît dès le départ l'existence de manga auparavant. Ça, c'est une planche qui est extraite de Lost World, qui est une publication de 1948. Alors, on y retrouve tout un tas de personnages, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, si vous regardez bien, il y a Donald, Mickey, la famille Nico de George McNaughtus, Londi, il y a un personnage qui peut être Babar, vous avez un éléphant au milieu, ici. Vous avez ici un personnage, moi, qui me fait penser au Demi-Kid de Hulkot, donc on a ces références-là, vous avez Popeye aussi, mais ici, vous avez Mapuno, et si vous regardez bien ici, vous avez donc Gachan, ce personnage-là, le pieuvre de Tagawa, qui est référencé. Et d'ailleurs, petit détail amusant, le volume 3 de cette édition-là, donc l'édition 76, a une postface de Osamu Tezuka, qui explique tout ce qu'il doit à Tagawa Suyo. Autre chose aussi, en préparant cette conférence, je suis tombé sur cet ouvrage qui est... intéressant, c'est le titre, c'est une encyclopédie illustrée du manga, et le sous-titre est intéressant puisque c'est de Norakuro à Doraemon. Donc, ce qui montre bien en quoi Norakuro est vu comme étant un point de départ du manga. Alors, si vous regardez la couverture, si vous connaissez un petit peu, il y a un certain nombre de personnages que vous pouvez reconnaître. Alors, ce qui m'a frappé d'ailleurs en le regardant au début, c'est que je me suis dit, mais où sont les personnages de Tezuka? En fait, il faut aller chercher, il y a juste Astro qui est là-haut, ce qui est assez étonnant. Donc, vous avez Norakuro ici, Doraemon ici. Les deux personnages qu'on voit le plus sont les deux créations de Kajiwara Yuki, Joe, de la chaîne Joe, est le personnage principal de l'Étoile des Géants, donc les deux mangas fondateurs du manga de sport. Vous avez ici le personnage de Ninja Bugaicho de Shirato Senpei, ici le personnage de Neji Shiki de Tsuge, Kitaro de Shigeru Mizuki, Monkey Punch avec Lupin de Sœur, Lady Oscar ici, Zenigeba de George Akiyama, ici c'est l'école impudique de Gonagai. Je vais en rater d'autres. Ici, ça c'est le Tensei Bakaran, si je ne me trompe pas. Et ici, on va avoir les personnages de Gokaben, donc la grande série de baseball. J'ai dû rater Sinomo Fanken, donc Kozurei Okami ici, et ici Golgo 13. Vous voyez, il y a un beau panorama, et qui est encadré donc, par Norakuro dans le coin et Doraemon ensuite. D'ailleurs, c'est important de rappeler que donc, historiquement, c'est probablement l'un des premiers grands personnages du manga avec un merchandising absolument monstrueux qui va être fait. Là, vous avez donc l'auteur entouré de tous les de toutes les créations. Alors, je ne vais pas en mettre plus, j'ai juste gardé cette photo, mais vous trouvez des figurines articulées, vous trouvez des réveils, des boîtes, des trucs. Voilà. Ça a été véritablement l'un des premiers grands succès de personnages qui soient déclinés de la sorte. Et il a même eu droit à ses adaptations en dessin animé en 1933, si je ne me trompe pas, ou 30, entre 1933 et 1935. Il y a trois petits films qui sont des films, des courts-métrages qui sont produits par des pionniers également de l'animation japonaise. Je rappelle parce que souvent on parle beaucoup de Tezuka avec Astro Boy, la première série télé, etc. Alors oui, c'est la première série télé, mais ce n'est pas l'adaptation, la première adaptation en dessin animé. Ça revient à Norakuro. J'appelle ça parce que, toujours pour revenir sur la manière dont on perçoit l'histoire du manga, on a tendance à dire ça commence à Tezuka et donc occulter tout ce qui se passe auparavant. Et en fait, bon, d'une part, je disais, c'est assez difficile d'avoir accès au manga de auparavant, mais de temps en temps, on découvre des merveilles de choses qui arrivent avant. Il y a donc tout un territoire à explorer. Et se rappeler que Norakuro existait, c'est aussi une porte d'entrée vers ce manga-là. Là, par exemple, c'est une chose qui a émergé sur les internets il y a quelques années, qui est le Kasetanken de Ushiro Noboru et Asagi Taro, qui date donc de 1940, qui est peut-être le premier manga de science-fiction et qui raconte un voyage vers Mars. Alors ça ressemble beaucoup, ça évoque beaucoup de la Terre à la Lune, autour de la Lune de Jules Verne, là. Et c'est l'histoire d'un petit garçon, donc un petit garçon avec le chapeau pointu, qui va partir vers Mars accompagné de ses mascottes, donc le chien et le chat, et qui vont découvrir sur Mars une civilisation extraterrestre. Ce sont des petits bouquins qui, à nouveau, en termes de couleurs et de dessins, sont extrêmement beaux, extrêmement surprenants, notamment par rapport à l'image qu'on a du manga comme étant une production essentiellement noir et blanc, et avec voilà, toute la naïveté, il y a quelque chose de très attachant, je trouve, dans les productions de cette époque. C'est d'ailleurs, ce livre-là a été republié il y a un facsimilé de 2012, je crois, qui a été refait. Cette redécouverte n'est pas uniquement à encourager auprès des personnes occidentales qui seraient intéressées par l'histoire du manga, mais elle est aussi à faire auprès des Japonais, parce que les Japonais ont complètement occulté et voire oublié toute cette création antérieure. Et je voudrais juste rappeler que ce n'est pas juste le fait des Japonais. Moi, il y a quelque chose qui me fascine beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez la série anglaise Doctor Who. Si vous connaissez un petit peu Doctor Who, il y a un certain nombre d'épisodes qui n'existent plus, qui ont disparu, qui sont les premiers épisodes, les premières saisons, tout simplement parce qu'à l'époque, la BBC avait jeté les bandes qui prenaient de la place, hein, parce qu'ils n'imaginaient pas que quelqu'un aurait envie de voir à nouveau quelque chose qui avait été diffusé. Aujourd'hui, c'est totalement impensable, mais il faut se dire qu'à l'époque, que pendant très longtemps, revoir des choses anciennes n'a aucun intérêt. Et cette idée de patrimoine, de revenir sur l'ancien, de vouloir le redécouvrir et en redécouvrir les qualités, c'est quelque chose qui est relativement récent. Des derniers aspects sur lesquels je voulais venir, sur qui me semble intéressant à explorer ou à questionner auprès de Norakuro, c'est la question des influences internationales. J'ai évoqué avec Tezuka, dans les premiers mangas, ne se cache pas de ses influences internationales, même si, étonnamment, on les retrouve assez peu mentionnées dans la littérature. On parle beaucoup de l'influence du cinéma sur Tezuka, on a tendance à beaucoup parler de l'influence de Walt Disney ou des dessins animés des frères Fleischer sur les grands jeux de Tezuka. Même en travaillant sur le catalogue de l'exposition Tezuka, on a découvert avec surprise que les visions de grandes villes qu'on a dans Metropolis viennent pas du film de Fritz Lang ou de visions venant du dessin animé américain, mais viennent plutôt des strips type La Famille Ico, tous ces strips américains qui sont publiés encore dans les magazines, dans les hebdomadaires, dans les magazines à l'époque. Donc ça, c'est toute une zone qu'on a tendance à occulter, mais même si le manga commence à apparaître, puisqu'on place à peu près vers 1905 l'apparition du manga avec Kitazawa Rakuten, les publications américaines continuent d'être publiées au Japon jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et probablement après. Donc il y a ce type de circulation. Et de fait, on sait, enfin, il est avéré, c'était reconnu par Tagawa, que Norakuro est inspiré par Félix le chat. Avec la différence que Félix le cat est un chat anthropomorphe dans un monde d'humains, alors que Norakuro est un chien anthropomorphe dans un monde d'animaux anthropomorphes. C'est une distinction assez importante à souligner. Par rapport à ça, moi, ce qui est assez étonnant aussi, c'était la première référence qui m'est venue quand j'ai découvert Norakuro, c'est quand même l'univers de Benjamin Rabier, parce que moi je vois une certaine proximité de traits, et en cherchant un petit peu, je suis tombé aussi sur Flambeau, chien de guerre, qui est donc antérieur à Gédéon, puisque Gédéon ce sont les animaux, 1916, qui est intéressant plus d'un titre, d'une part, comme Norakuro, c'est un titre qui paraît alors que le pays est en guerre. Et on voit très bien aussi la tentation propagande. Si vous regardez l'image qui est en haut, vous avez Flambeau qui se sert d'un casque à pointe allemand comme d'une balançoire. On a aussi des déflagrations. Et je trouve que dans le trait, dans le dessin, il y a quand même des choses qui sont proches. Alors peut-être que c'est moi qui projette. Hein. On a aussi donc, cette proximité de cet univers animalier. Juste une petite insiste là-dessus, l'idée d'utiliser un univers animalier pour parler de la guerre est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Je pense à Mouse, bien sûr, de Arthur Gilman vient en tête, mais on a aussi Calvo avec La Bête est morte. On a bien sûr Orwell lorsqu'il fait La ferme des animaux. Donc on a vraiment une tradition, et même dans Gédéon, il y a des choses qui parlent de guerre. Il y a Gédéon avec les bandits. Enfin, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Cette envie d'évoquer tout ça. Là-dessus, j'ai pas de scoop ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est plus des interrogations, puisqu'on sait que le manga est né de l'import d'une tradition caricaturale par d'abord en anglais Charles Wolfman, puis ensuite en français Georges Bigot, qui vont lancer leur revue, donc le Japan Punch et Tobae, au Japon vers la fin du 19e siècle, qui vont ensuite donner lieu par l'autonomisation à une tradition japonaise. Donc on a déjà cette filiation. On voit il y a des circulations, soit par le biais des publications, soit par le biais des dessins animés. Mais c'est vrai que derrière, il y a des questions, des choses qui sont très surprenantes. Donc Shōchan no Boken, qui est une série qui a apparu en 1923, à l'histoire du petit chou, les aventures du petit chou qu'on voit ici, accompagné de son écureuil appelé Reisu. Alors Reisu, c'est juste l'écureuil, donc c'est pas très inspiré. Voilà, quand on voit cette image, forcément, on pense à un héros franco-belge bien connu. On est pourtant quelques années avant Totor, on est pas mal d'années avant les Soviets. Forcément on se pose des questions. Alors est-ce qu'il y a une circulation? La question que je me pose, c'est dans quelle mesure peut y avoir une circulation qui aurait eu dans l'autre sens? Je pense notamment à tout le japonisme qu'il y a pu y avoir au moment du 19e siècle avec Van Gogh et les impressionnistes qui sont brusquement fascinés, qui sont retrouvés fascinés par toutes les estampes japonaises et qui les ont intégrées dans leur pratique. Là, j'avoue, il y a des choses qui sont assez étonnantes, notamment quand on lit Shōchan no Boken en plus. Alors, il y a ça, il y a peut-être la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi lié à Saint-Ogan? Enfin, les questions sont ouvertes parce que du Shōchan no Boken, c'est l'un des premiers mangas dans lequel on a l'utilisation de la bulle. D'où le lien éventuel avec Saint-Ogan, puisque c'est aussi lui qui fait une utilisation très régulière de la bulle dans Les Puces et Alfred. Alors, les internautes et Wikipédia disent « Ah, il y a, en fait, ce serait une inspiration qui est prise dans Pip Squeak and Wilfred, qui est une série de, je vais noter, c'est Bertram Lamb et je ne sais plus quel est l'autre dessinateur, je vais vous le dire. Bertram Lamb et Austin Bowen Payne, qui paraît à partir de 1919 dans le Daily Mirror en Angleterre. Personnellement, j'y vois peu l'influence dans les quelques images que j'ai pu lier. À nouveau, ce sont des animaux qui, pour le coup, ne sont pas anthropomorphes, mais ont des comportements anthropomorphes dans un univers d'humains. Voilà. Il y a des choses qui sont, par rapport à ça, il y a plus d'interrogations que de réponses. Mais j'avoue que là-dessus, il y a des choses qui sont très étonnantes et qu'il faudrait peut-être creuser, voir dans quelle mesure il n'y a pas eu des circulations globales. Surtout quand en discutant avec des auteurs aujourd'hui, si vous discutez avec des auteurs, soit des auteurs français ou franco-belges qui ont la chance d'aller au Japon, ou des auteurs japonais qui viennent en Europe, et généralement, ils reviennent avec des piles de livres parce qu'ils ont découvert des trucs incroyables. Ils sont extrêmement avides, les gens qui font peut-être des dessins sont extrêmement avides de ce genre d'inspiration, donc la question est posée encore aujourd'hui. Le dernier élément que je voulais aborder aujourd'hui en termes de conclusion, c'est de se poser la question de parler de Norakuro aujourd'hui. Alors, il faut savoir, comme je disais un petit peu, j'ai évoqué un peu, Norakuro, sa carrière, effectivement, s'arrête brutalement en 1941 pour des questions de censure, mais va reprendre par la suite. D'une part, à partir de 1958, Tagawa lui-même va reprendre Norakuro avec une série qui s'appelle Norakuro Jijoden, ou l'autobiographie de Norakuro, qui paraît dans une revue qui s'appelle Maru, qui est une revue militaire, qui s'intéresse à la guerre, à la chose militaire. Généralement, ce sont des revues qui sont plutôt orientées à droite en termes de politique. Je suis très mal placé pour juger ce genre de choses. On a une sorte de second boom Norakuro qui va se produire avec notamment la publication en 1967, entre 67 et 69, des éditions facsimilées dont j'ai parlé. Donc il y a à nouveau un intérêt pour ce personnage, avec une première série en 1970, donc qui reprend un petit peu la série, les bases de la série initiale, avec comme seul ajout Miko, le personnage féminin qui est à gauche, qui est le love interest de Norakuro, qui est la seule concession un petit peu au temps qui change. Et en 1987, une série qui, elle, va s'éloigner un petit peu plus, qui est Norakuro-kun, qui en fait se base sur le tout dernier volume qui sera publié, puisqu'il y a trois volumes qui sont publiés qui sont tirés de ce revival en 1958, qui sont les tribulations, en fait, je vous traduis les titres, hein, c'est Tribulations, Enquête et Café. Donc il y a Norakuro Osoki pour Tribulation, Norakuro Toremo no Cho, et le dernier Norakuro qui s'appelle pour le café. Donc là, on est sur le deuxième, dans lequel Norakuro a pris sa retraite, est devenu détective privé, et c'est son petit-fils qui s'appelle Norakuro-kun qui va sauver la veuve et l'orphelin et condamner les méchants dans cette série de 1987. Avec, on voit là, une évolution assez marquée. En fait, j'avoue, là-dessus, j'ai du mal à comprendre un petit peu là-dessus, c'est à nouveau une grosse interrogation sur les raisons qui mènent le Japon, des auteurs japonais, à relancer un tel personnage qui est ancré dans un contexte historique très particulier, avec cet aspect de propagande. Ça reste toujours très, très actif encore aujourd'hui. Surtout quand on voit la manière dont... la relation très ambiguë et ambivalente que le Japon entretient avec, justement, son passé militaire. Juste pour revenir, donc, 1970, c'est assez étonnant parce que c'est un moment où, en 1970, on est en plein soulèvement étudiant au Japon, puisqu'il y a également des soulèvements étudiants au Japon en 1968 avec l'occupation de l'université de Tokyo, l'appel de l'armée pour les en déloger, puisque la guerre mondiale a eu cet aspect assez particulier que, comme elle était mondiale, on se retrouve aux alentours des années 1970 avec une génération qui a été marquée par la guerre de manière mondiale et qui, arrivant à l'âge adulte, décide de contester un petit peu le modèle de société qui a été mis en place par ses aînés. D'où les soulèvements en France avec mai 68, les protestations contre la guerre du Vietnam aux États-Unis et donc ces soulèvements également au Japon. Et ces soulèvements s'accompagnent également avec une forme de digestion de la part des Japonais de leur héritage. C'est le moment où, devient très fort le mouvement pacifiste. Il faut savoir que le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, a écrit dans sa constitution, c'est l'article 9, le renoncement à la guerre. Le Japon renonce à avoir une armée qui soit une armée offensive. Ils ont une armée qui s'appelle les Jiitai, qui sont les armées d'autodéfense, et qui normalement ne servent uniquement à la défense du pays, ne vont pas mener des opérations militaires. Alors, et en 1970, donc, on a une grosse poussée du pacifisme, et en même temps, une montée du nationalisme et du révisionnisme qui ne va faire que se renforcer sur les années qui vont suivre. Avec aujourd'hui, je dois avouer, un tournant qui est un petit peu inquiétant, puisque le Premier ministre actuel est un révisionniste notoire, et en 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fait un discours solennel, je dis, durant lequel, contrairement à ses prédécesseurs, il ne prononce pas d'excuses personnelles, ce qui a été le cas de tous. En gros, il soulignait que par le passé, le Japon avait exprimé à maintes reprises ses sentiments de remords profonds et ses excuses sincères, ce qui est une manière de dire « bon, c'est bon, on a battu notre coupe suffisamment de fois, maintenant, ça serait temps de tourner la page ». Et ça s'accompagne aussi avec un mouvement nationaliste et militariste, puisque le même Shinzo Abe a posé 2020 comme étant la date butoir pour un référendum pour autoriser le Japon à avoir à nouveau une armée. Voilà. Donc, par rapport à ça, à cette évolution du Japon vers une tendance un petit peu plus dure et vis-à-vis de la guerre, voilà, la manière dont Norakudo a continué à exister, même si effectivement au niveau des ouvrages, je disais, il y a peu d'éditions, mais a continué quand même d'exister quelque part dans le paysage. Voilà, il y a une interrogation, il y a quelque chose que j'ai du mal à cerner, qui relève peut-être, qui montre bien peut-être aussi cette relation très ambiguë que le Japon a vis-à-vis de la chose militaire, et qui, sur certains aspects, en ce qui me concerne, je trouve, est un peu inquiétant. Alors, c'est une note un peu particulière pour terminer la conférence, mais voilà, c'était le dernier élément sur lequel je voulais évoquer dans cette conférence. Merci à vous. Merci.